À en croire Renaud Dutreil, ministre des PME, le gouvernement continue à travailler jusqu'à la dernière seconde. En réalité, les esprits sont bien sûr déjà largement tournés vers le face-à-face de ce soir.